Sur la Radio Parfaite, dans l'émission Les Experts, David Christoffel reçoit aujourd'hui Céline Frégao-Manning autour de son livre « Chanteurs en scène » paru aux éditions Honoré Champion. À l'opéra, il y a deux camps, ceux qui jugent les chanteurs sur leur qualité vocale et ceux qui les apprécient plus pour leur puissance dramatique et leurs prestations sur scène. Dit comme ça, c'est un peu caricatural, mais le divorce entre les deux camps est vraiment devenu criant au début du 19e siècle quand l'opposition était en fait un peu plus complexe, puisqu'il y avait les défenseurs de l'opéra italien qui se croyaient d'autant plus légitimes à faire valoir la force dramatique des interprètes qu'ils chargeaient contre les manières de faire de l'opéra à la française. Pour mieux savoir si les chanteurs de l'époque se vivaient comme des acteurs, Céline Frégao-Manning a publié « Chanteurs en scène ». Thank you. Diada Damrao avec Jérémy Rohrer à la tête du Cercle de l'Harmonie dans l'air Ombra Donante, extrait d'Il Natal d'Apollo de Vincenzo Righini pour ouvrir cette émission avec vous, Céline Frigaumani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Chanteur en scène, qu'on va évoquer sur la Radio Parfaite aujourd'hui, qui est un ouvrage qui nous explique comment le geste vient au chanteur, même si on se doute qu'on n'a jamais chanté de façon totalement immobile. Du coup, vous enquêtez sur une période très précise. Qui est celle du théâtre italien des années 1815 à 1848. Alors, la première question, c'est forcément pourquoi avoir choisi cet endroit comme symptomatique de cette question ? Oui, c'est une question intéressante. Je pense que c'était pour me poser en porte-à-faux d'emblée vis-à-vis d'un lieu commun de la critique de l'époque, mais aussi de la musicologie encore parfois aujourd'hui, qui est que les chanteurs italiens de l'époque dont je me suis occupée étaient là pour chanter et non pas pour jouer, et qu'on allait au théâtre italien pour le plaisir de l'ouïe et non pas pour celui des yeux, et qu'on aller à l'opéra français pour le plaisir des yeux. Donc je me suis interrogée sur cette question, puisque en même temps, évidemment, la littérature du temps est pleine d'auteurs absolument fascinés par le jeu de chanteurs comme Giuditta Pasta pour un Stendhal, ou Maria Malibran, ou son papa Manuel Garcia, ou Luigi Lablache, et j'en passe. Donc pourquoi, d'une part, cette omniprésence de chanteurs italiens sur la scène du jeu, du geste du chanteur, et d'autre part ces lieux communs qui voudraient qu'un chanteur italien n'ait bon qu'à chanter. Et dans quel état est l'opposition entre l'opéra italien et l'opéra français au début de votre période en 1815, puisque c'est un moment où on entend Rossini chanter en français avec les traductions de Castille Blas, où en définitive on tend à atténuer les différences entre les deux opéras? Disons que cette opposition est assez bien rodée finalement, puisque le théâtre italien est géré par la même administration que l'Académie royale de musique, ce qui permet d'organiser la concurrence de manière assez commode, c'est-à-dire qu'on ne chante pas aux Italiens les mêmes soirs qu'aux Français. Ainsi, les spectateurs peuvent alterner entre opéra français et opéra italien, ce qui permet aux chanteurs de ne pas être en concurrence et au public d'être plus ou moins le même. À cette période-là, du moins, on n'a pas encore forcément de public diamétralement opposé, ou qui ne fréquente que l'opéra français, ou qui ne fréquente que le théâtre italien, comme une quinzaine, vingtaine d'années plus tard. Et c'est vrai qu'il y a une circulation, en revanche, des répertoires dans les traductions. En revanche, il est très clair qu'en vertu des lois, hein, c'est, tout cela est bien réglementé. On ne doit écouter de l'opéra italien qu'à l'opéra italien, et de l'opéra français qu'à l'opéra français. Donc si traduction il y a, tout cela se passe plutôt dans les salons, dans d'autres lieux, ou bien sous forme de concert, mais pas sous forme représentée. Alors pour en revenir à votre question, qui est celle du chanteur en scène, donc du chanteur acteur, donc du chanteur qui fait geste et qui prend place sur scène, peut-être on pourrait évoquer comment vous faites pour répondre à la question, quelle méthode vous employez. Et votre méthode, c'est de repartir du geste comme langage, qui pour le coup est quelque chose qui est codifié antérieurement au XIXe siècle, dès le XVIIe, et vous servez d'ouvrages comme de chirologie, par exemple, qui datent du milieu du XVIIe siècle, qui peuvent venir de Londres. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a une espèce de travail de généalogie, ou plutôt d'archéologie du terme même de geste, pour arriver au geste de l'acteur. Mais c'est plutôt en raison de deux perspectives. Une première qui est plus largement épistémologique et méthodologique. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à comprendre ce que pouvait être ce geste sur scène? On est en train de parler évidemment d'un objet extrêmement évanescent. Quelles sont les sources pour une histoire du geste, et en particulier du geste de ces chanteurs-là? Et donc l'approche que j'élabore dans ce livre consiste à toujours être dans un dialogue entre ce qui se passe sur la scène et ce qui se passe dans la salle. Donc plutôt que d'écarter des témoignages de spectateurs comme étant des sources jugées non objectives ou trop subjectives, hein, mais qu'est-ce que serait que de toute façon l'objectivité des gens en général, et en particulier aussi sur ce sujet, je m'appuie précisément sur ces textes pour essayer d'élaborer ce qui se passait sur scène. Donc finalement, je ne sais pas de reconstruire directement l'objet geste du chanteur, je le fais par l'intermédiaire du regard du spectateur. Je ne suis pas très intéressée finalement simplement par ce qui se passait sur scène. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passait dans le regard des spectateurs qui regardent ce qui se passait sur scène. Donc voilà, ça c'est un premier aspect de la question. Et d'autre part, pourquoi est-ce que je remonte effectivement à ces textes ou jusqu'au 18e ou à ces ouvrages, y compris de chirologie et d'art du geste de la main? Hein, donc une précision extrême dans ces textes-là qui sont réalisés souvent par des spécialistes de l'art de l'orateur, soit des hommes d'église, soit des hommes de loi. Eh bien, c'est parce que le geste du chanteur à cette période-là, en première moitié du 19e siècle, n'est pas un geste autonome. En quelque sorte, il est fortement tributaire de toute une histoire de la rhétorique, de l'axio-rhétorique et ce qui circule dans les arts frères, de ce qui se passe dans la sculpture, de ce qui se passe dans la peinture, de tous ces arts auxquels il est assujetti en quelque sorte. Donc la première moitié du 19e siècle, c'est aussi une époque où le geste de l'acteur se rend autonome et s'affranchit progressivement de tout un système très hiérarchisé des beaux-arts. Progressivement aussi, le geste du chanteur lui-même va prendre son autonomie vis-à-vis du geste de l'acteur. C'est-à-dire qu'on va commencer à développer des raisonnements d'après lesquels un chanteur doit lui aussi maîtriser parfaitement l'art de l'acteur, mais il y a des choses plus spécifiques qui le concernent, hein, du point de vue évidemment de l'effort considérable que représente le chant, du répertoire qui n'est pas le même, etc., etc. C'est-à-dire que non seulement c'est pas la même chose de gestualiser et de chanter, mais en plus, on n'a pas la même gestuelle quand on chante que quand on parle. Oui, alors tout dépend aussi des spectateurs ou des spécialistes du geste de l'époque et de ce qu'ils nous disent, mais grosso modo, ce qu'ils nous disent, c'est que le chanteur est à l'apogée de l'art de l'acteur, puisque non seulement il doit jouer et déclamer, mais en plus il doit chanter. Donc l'opéra en cela est au-dessus du théâtre, donc il y a toute une hiérarchie de ce point de vue-là. Et donc un grand chanteur, ben, évidemment ça ne concerne pas forcément tout le commun mortel des chanteurs, un grand chanteur est supérieur en cela à un grand acteur. Donc il doit maîtriser parfaitement l'art de l'acteur, c'est plutôt une addition en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il doit maîtriser parfaitement les codes gestuels de l'acteur, mais en plus il doit avoir un bagage gestuel qui lui permet de chanter en même temps que tout ce qu'il fait. Donc c'est pas vraiment plutôt deux catégories, c'est pas seulement que d'un côté il y aurait un geste propre à l'acteur et d'un côté un geste propre au chanteur, c'est plutôt que le chanteur subsume l'art de l'acteur et en même temps il ajoute quelque chose qui est propre au chant. Sans compter que le chanteur italien et le chanteur français semblent ne pas avoir le même geste. On va y revenir dans un instant avec vous, Céline Friaumanning, après avoir écouté un extrait d'opéra français, Le Pré aux La Dame Blanche de Boieldieu. Hey, mais quel est ce bruit ? Il est minuit dans ma demeure, qui peut venir à pareille heure? Dans ma demeure, qui peut venir à pareille heure? Quelque malheureux pèlera. Eh bien, qu'il passe son chemin. Son chemin. Pour lui, je demande grâce. Non, non, non, non, non, qu'il passe son chemin. Vous qui voulez prendre la place des anciens et de le saluer. Il est vrai, faites comme eux, si chacun, si chacun. Chacun ici les Marc Minkowski à la tête de l'ensemble orchestral de Paris dans cet extrait de La Dame Blanche de Boieldieu. Et mais quel est ce bruit avec Laurent Naouri et Annick Massy. On parle de votre livre Chanteur en scène, Céline Frigao-Manning, pour commenter comment la gestuelle des chanteurs d'opéra s'élabore, se codifie, se précise et devient subtile au début du 19e siècle, mais de façon différenciée selon qu'on est dans le théâtre italien donc, ou bien dans le théâtre français. Oui, c'est une question qui occupe beaucoup les spectateurs de l'époque, puisqu'ils sont français avant tout et que je me suis particulièrement intéressée au théâtre italien. Donc, ce qui les intéresse. Au théâtre italien à Paris. À Paris, oui. Bien sûr, l'opéra italien de Paris, les bouffons. Et justement, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ces spectateurs français ont tout intérêt à dire que les acteurs italiens sont de mauvais acteurs et d'excellents chanteurs, puisque ça leur permet de garder la primauté. Dans un art du geste qui serait, lui, tout français. Et évidemment, il se réfère à une tradition de la déclamation lyrique bien française, qui n'est pas celle italienne. Et donc, la seule chose qu'il concède aux Italiens, c'est leur capacité à être bouffon. Ce qui leur permet évidemment de garder la prérogative sur l'opéra, la tragédie lyrique. Donc ça, c'est intéressant aussi à un moment donné où l'opéra seria italienne s'installe à Paris, finalement. Et la présence de Rossini va être capitale pour ça, puisqu'elle va imposer une opéra seria après les premières expérimentations qui ne sont pas rossiniennes. Mais ensuite, c'est l'opéra seria rossinien qui va triompher sur les scènes parisiennes et qui vont imposer un modèle aussi italien de jeu tragique. Alors, puisque sinon, auparavant, on avait cette différenciation qui était le jeu tragique et lyrique est français et le jeu comique par excellence est italien. Et donc là, les années 1820 avec cette présence rossinienne vont permettre d'imposer un nouveau modèle qui va être celui d'un jeu tragique italien. Alors ça se fait. Alors c'est quoi par exemple les gestes comiques? Alors avant tout, les gestes comiques. Ça c'est très intéressant aussi parce que du coup, on y voit énormément la tradition de la commedia dell'arte. Donc on concède cela aux Italiens et en même temps on leur reproche d'être peut-être trop bouffons. Il ne faut pas non plus exceller trop. Ce sont les lazzi, c'est-à-dire tout ce qu'on ne voit pas dans la musique, ce que la musique parfois peut suggérer, mais ce qu'un acteur va ajouter. Donc Luigi Lablache, qui est quand même à moitié aussi français, même s'il a étudié en Italie, un acteur du théâtre italien, lui, est très connu pour cela. Donc déjà par sa forme imposante, il est d'un poids conséquent et il est en même temps très gracile et très gracieux dans sa façon de se mouvoir et d'ajouter des actions, des séquences gestuelles sur tel ou tel air ou même quand il ne chante pas. Donc ça, c'est un point intéressant. Ce qu'ensuite, on va appeler dans l'opéra seria, il y a une contre-chaîne, c'est-à-dire une action jouée, même quand on ne chante pas, ce qui paraît étonnant à l'époque. L'idée est plutôt que quand on chante, on joue, et quand on ne chante pas, on ne joue pas. On se tient en scène, il faut savoir se tenir, mais il n'y a pas forcément de geste associé à cela. Et tous les chanteurs italiens de cette époque aussi imposent cela dans un jeu comique, c'est-à-dire une une libération du jeu qui n'hésite pas à être vraiment dans la trivialité, dans le grotesque, dans le bathos, toute chose qui était quand même extrêmement contrôlée du côté de l'opéra français. Est-ce que ça veut dire que pour le coup, quand on est dans le registre tragique, pour ne pas être trop grossier, alors on fait moins de gestes ? Ah, et ça, c'est une question aussi intéressante parce que effectivement, quel va être le jeu tragique s'il ne doit pas être dans le bathos justement. Il y a toute une réflexion sur l'économie du geste qui s'opère à l'époque, qui est vraiment cruciale, qui est fondamentale et qui toute converge vers l'idée que il faut construire une scène en fonction d'une séquence gestuelle extrêmement délicate et contrôlée qui va culminer dans un geste clé, soit en fin de séquence généralement, soit juste avant la fin. C'est intéressant de voir comment tous les autres gestes sont là pour construire ce crescendo progressif jusqu'à un geste qui vient, lui, soit faire tableau, et on a cela dans les livrets, on a cette indication tableau, même dans les versions françaises ou les traductions des livrets italiens, qui sont entièrement traduits à l'époque, donc on a les livrets bilingues dans la salle, qu'on peut suivre, et ces gestes visent à, en quelque sorte, fixer, comme dans une espèce d'arrêt sur image, fixer en un seul geste tout le sens de la destinée d'un personnage. Donc il y a une espèce de saturation symbolique du sens et en même temps de concision gestuelle, puisque un seul geste suffit à résumer toute la tragédie. Peut-être, je prends un exemple tout simplement, oui, parce que pour que ça ne reste pas trop abstrait. Mais ça veut dire que le geste est plus allégorique dans la tragédie que dans la comédie. Oui, dans la comédie, on est plutôt dans un registre d'ordre de l'accumulation, des lazzi, etc. Donc c'est vrai que du coup, tout cela est assez personnel. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans cette accumulation ? Il y a des chanteurs qui sont comme Tamburini, à qui on reproche beaucoup d'en faire trop, et d'autres comme Pellegrini, qui devient un peu des modèles d'un geste domestiqué, en quelque sorte, c'est-à-dire acclimaté au goût français. Et alors, un exemple ? Un exemple. Ouais. Par exemple, dans l'Othello de Rossini, dans lequel Giulietta Paste a vraiment trouvé sa consécration dans le rôle de Desdemone, il est raconté un certain nombre de témoignages, donc on peut recouper, et donc on voit que ce geste était toujours le même, comme dans un tableau de peinture à l'huile, on dirait de la croix, c'est-à-dire qu'il s'agit de non pas de varier les gestes à l'infini, mais de trouver le bon, et donc de le répéter dans sa perfection. Ce geste consistait, après avoir été assassiné par Othello, donc non pas étouffé comme chez Shakespeare, mais poignardé, elle avait encore la force avec sa main de se recouvrir avec son drap. Donc c'est un geste qui est le geste de la pudeur par excellence, de ne pas montrer la blessure en fait, en quelque sorte. Donc c'est aussi intéressant, bon, dans d'autres témoignages, on a aussi ce bras qu'elle laisse pendre, qui est donc le bras de l'abandon total et qui en même temps permet de voir qu'elle avait un beau bras. Donc il y a toujours cette obsession du tableau qui permet de fixer ce geste et en même temps de le mémoriser au plus profond de soi, de sa mémoire, et en même temps de fabriquer de l'iconographie, des estampes qui vont circuler vraiment dans toute l'Europe et dans des quantités vraiment impressionnantes. C'est vraiment l'époque de la lithographie et de la gravure aussi de presse à grande échelle. Alors, puisqu'on est à la radio, on va en profiter pour essayer d'imaginer la gestuelle que pourrait bien faire Jennifer Larmore quand elle chante le rondo final de la Cenerentola de Rossini, et puis vous nous détaillerez ce qu'il en est ensuite. Thank you. a questo sento non più bella canto. Jennifer Larmor dans le Rondo de la Cenerentola de Rossini dans la version de 1996 à l'Opéra de Paris dirigé par Maurizio Benigni. Alors Céline Frigomani, quand il y a virtuosité, tout l'appareil gestuel se trouve comme bloqué par la mobilisation vocale ou comment ça se passe ? Oui, c'est une question qui est vraiment intéressante parce qu'on a l'impression que quand il y a virtuosité, du coup, il ne peut plus y avoir de gestes puisqu'il y a déjà une action tellement forte du point de vue de la voix. Comment pourrait-on en plus jouer ou y associer quelque chose ? Donc c'est vrai que ce ne sont pas les moments dans lesquels on a le plus de commentaires ou de témoignages sur ce qui se passe du point de vue du jeu ou du geste. Et en même temps, comme tout à l'heure lorsque nous parlions de séquences gestuelles, il faut penser à ces moments de virtuosité pure, très impressionnants aussi évidemment dans la mécanique vocale rossinienne, comme prise dans un ensemble de contrastes en quelque sorte. C'est-à-dire que ces moments de virtuosité ne sont pas la négation du jeu, ils sont là aussi pour mettre en valeur d'autres moments de jeu quand on ne chante pas, et inversement, ces moments de jeu quand on ne chante pas sont là aussi pour mettre en valeur ces moments de virtuosité. Donc c'est vrai que même si on n'a pas de témoignages très récurrents sur ce qui se passe lorsque on a un tel rondo, peu importe, ce qui est aussi impressionnant dans ces moments de virtuosité, c'est l'état dans lequel ils mettent le public. Et pas simplement la sidération face à l'exploit, cette chose-là est-elle possible, ou bien va-t-elle y arriver ou pas. Il y a aussi vraiment une description physiologique très intéressante à l'époque sur l'état dans lequel les spectateurs se trouvent, pas simplement d'admiration, mais vraiment de fascination, de sidération, mais cette fois-ci vraiment au sens littéral, qui provoque une réceptivité encore plus grande à l'œuvre dans son ensemble et à ce que fait le chanteur sur scène. Donc je pense que l'idée que la virtuosité est une négation de ce qui se passe sur scène, c'est plutôt une approche contemporaine finalement. C'est celle que nous avons, nous. C'est la difficulté que les chanteurs rencontrent aujourd'hui. C'est la difficulté que les spectateurs aussi trouvent à suivre ce type de pièce. Celle des metteurs en scène, évidemment, qui se demandent comment ils vont diriger leurs acteurs à tel moment. Mais pour l'époque, ce n'est pas aussi évident. Pour l'époque, c'est-à-dire pour les années 1820, seulement Rossini arrête l'opéra subitement, en même temps qu'il y a un changement de régime politique en 1829-1830, qui a une répercussion esthétique immédiate. On change d'ambiance musicale et opératique radicalement dans les années 1830, et j'imagine que ça a une répercussion directe, voire très ample, sur le sujet que vous traitez, à savoir la gestuelle des chanteurs d'opéra de l'époque. Alors, une répercussion, en effet, puisque le peuple parisien se demande, mais que se passe-t-il ? Rossini ne compose plus, effectivement. Va falloir attendre longtemps et pour finalement que quelques pièces. En revanche, le théâtre italien fonctionne à plein régime avec le répertoire rossinien pendant toute la période, jusqu'en 1848. On continue à beaucoup jouer Rossini, même s'il ne compose plus. Tout à fait. Et donc des opéras comme Le Barbier de Séville, L'Otello, La Cenerentola, vraiment, sont toujours au summum du répertoire. Ils comptabilisent plus de 300 représentations sur toute la période. Donc, Bellini et ensuite Donizetti n'arriveront jamais à cela. C'est incommensurable, la domination rossinienne vraiment sur toute la première moitié du siècle. Ce qui en revanche va changer quand même, par-delà ces questions quantitatives, c'est cette sensibilité en effet de l'époque qui fait qu'à partir des années 1828, 29, 30 se met en place quelque chose de nouveau au théâtre italien. Il y a un changement de direction et la direction Robert et Severini qui a très bien préparé la relève, donc le théâtre italien s'affranchit de la tutelle de l'Académie royale de musique et prend son envol seul. Et Robert et Severini vont extrêmement bien préparer cela en partant à la recherche des plus grands chanteurs de l'époque. Donc ils envoient des agents, des impresarios, négocier pour eux dans toute l'Italie, donc faire des comptes rendus très détaillés, des lettres très détaillées pour décrire le chant et le jeu aussi, bien sûr, de tous ces chanteurs qui sont susceptibles d'être recrutés, de telle sorte à composer une espèce de cast absolument incroyable qui va déterminer un âge d'or pour le théâtre italien et pour le jeu de tous ces chanteurs aussi qui vont être recrutés. Bien sûr, il y a des gens comme Rubini qui sont beaucoup plus connus encore pour leur voix que pour leurs gestes, mais ce sont aussi les années Pasta, Malibran, etc. Et là, il y a quelque chose qui change. Et effectivement, quand Malibran débute au théâtre italien avec des pièces comme Semiramide et ensuite comme L'Otello, on lui reproche beaucoup justement d'être trop virtuose ou de faire trop attention à sa technique vocale, à ses effets. Et on lui reproche, et on le reproche aussi à Sontag, à Henriette Sontag, à qui on dit qu'elle a l'air d'être trop petite fille appliquée, qui cherche avec zèle à bien tout réussir. On attend autre chose d'un chanteur ou d'une chanteuse à l'époque aussi où les tragédiens anglais sont venus se produire sur la scène parisienne et on a vu des convulsions, des ventres à terre sur la scène d'un théâtre qui est le même que celui où se produisent les chanteurs italiens. Donc du coup, il y a quelque chose de tout à fait nouveau, une sensibilité nouvelle et c'est là que la question de la machine est intéressante aussi puisque il n'est pas possible qu'un chanteur n'apparaisse que comme une machine vocale ou comme un expert en technologie vocale, il faut absolument qu'il fasse entendre sa sensibilité et qu'il ne soit pas froid, qu'il ne soit pas insensible, mais qu'il soit vibrant, qu'il soit électrique, qu'il soit communicatif. Et tant pis ou tant mieux même si la virtuosité n'est pas le seul critère pour l'évaluer. Donc évidemment, le geste de ces chanteurs-là prend encore plus de sens à cette époque-là, puisque quand on reprochait à une Catalani au début de la période Angelica Catalani d'être froide et insensible, en même temps on était vraiment aux anges à l'écouter et finalement les choses se compensaient, alors que là dans les années 1830 ça devient vraiment un critère sine qua non pour être une des vedettes de ce système. En plein milieu des années 1820, il y a une espèce de pamphlet contre Rossini de Berton qui justement fait un procès en mécanisme à la musique de Rossini, qui va être une espèce de symptôme de toute la musique enlevée et qui va être comme cassée alors avec l'arrivée de Donizetti et Bellini. Effectivement, si on regarde ce qui se passe au niveau du répertoire, on ne peut pas vraiment dire que la chose ait été cassée. Ce sont des querelles qui se passent à un autre niveau aussi qu'à celui du management de l'opéra et des questions de programmation, où on sait qu'en programmant du Rossini, on va toujours y arriver. Surtout que les œuvres de Rossini vont permettre d'aller très loin dans la comparaison entre différents chanteurs. Et ça, c'est un élément très important du point de vue de ce système de vedettariat très fort qui s'est largement mis en place, qui permet aux amateurs du théâtre italien, qui sont réputés pour leur écoute extrêmement précise, de comparer l'interprétation d'un tel ou d'une telle dans des œuvres qui se répètent et se répètent encore et encore. Donc ce qui est intéressant, c'est la façon dont finalement, malgré tout, une espèce de serpent de mer qui va se déployer autour de la question de la sensibilité, de la mélodie, à l'encontre de ce mécanicisme ou de ce mécanisme rossinien. Effectivement, la musique de Bellini va être très importante de ce point de vue-là. Et de même qu'on va louer la pureté et l'efficacité d'un geste concis, on va aussi louer et apprécier la pureté de certaines lignes musicales, qui ne sont pas justement entravés par trop de virtuosité dans tel ou tel passage. Donc, et une chanteuse comme Giulia Grisi, qui était aussi très connue pour cette maîtrise de l'économie du geste, pour cette grâce et cette présence iconographique, vraiment, on a l'impression qu'elle s'impose sur scène, vraiment comme dans un tableau, est vraiment associée au répertoire bellinien et en particulier au rôle de Norma. Pour Norma, au jeu des interprétations, Céline Fricaumani, vous avez pour le coup choisi la version de Castadiva interprétée par Cecilia Bartoli. Auteur de Chanteurs en scène aux éditions Honoré Champion, Céline Fricaumani est l'invitée de David Christoffel pour l'émission Les Experts sur la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Castadiva, extrait de Norma de Bellini avec Adam Fischer à la tête de l'orchestra La Scintilla. C'était Cecilia Bartoli, extrait d'un disque qui est dédié à la Malibran. Et vous l'avez choisi presque paradoxalement, Céline Frégaomani, puisque vous dites que Norma est plutôt un rôle grisien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire porter comme différence d'esthétique entre Maria Malibran et Grisi? C'est une différence vraiment conséquente. En général, on s'interroge plutôt sur l'opposition pasta Malibran, qui est peut-être aussi encore plus croustillante, en quelque sorte. Peut-être on y reviendra. Mais on peut aussi le faire pour Grisi. Bon, Grisi a une longévité vraiment impressionnante. Elle chante pendant des dizaines et dizaines d'années. Quoi qu'il arrive, d'ailleurs, même le soir où l'un de ses enfants est mort, il faut qu'elle chante, hein, pour des questions sociales, évidemment, mais aussi parce qu'elle est toujours, toujours, toujours présente sur la période aux côtés de son amant Mario Decandia. Et ce qui est très intéressant aussi dans cette longévité, qui n'est pas simplement anecdotique, c'est le fait que par son geste, elle incarne plutôt, me semble-t-il, un jeu propre aux années 1820, qu'elle arrive par sa personnalité à faire perdurer. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, Théophile Gautier, évidemment, le dirait beaucoup mieux que moi, mais c'est qu'elle suscite beaucoup de comparaisons avec la sculpture, par exemple. Gautier la compare à des bas-reliefs antiques, à des figures de l'Antiquité. Donc évidemment, Norma apparaît comme un rôle tout attribué pour elle, avant même qu'elle ait commencé à le chanter. Et dans tout ce jeu de convention, évidemment, dans la comparaison avec ce type de choses, se dégage un jeu effectivement plus fondé sur le haut du corps, sur quelque chose qui est dans la maîtrise, non seulement apparente, mais sans doute réelle, dans la maîtrise de l'émotionnalité, du port de la tête, du port de la main et du bras. Et donc là, on est beaucoup plus proche de cette hiérarchie des arts dont on parlait plus tôt et de tout ce qui est à l'œuvre dans la sculpture et dans la peinture. Une citation que vous nous donnez de Théophile Gautier: on ne s'occupe guère dans les feuilletons que du talent et du jeu des actrices, on n'envisage pas leur beauté, on ne les envisage jamais sous le côté purement plastique. Donc avec sa formation d'étudiant des beaux-arts des années 1820, pour le coup, lui, effectivement, regarde y compris les tragédiennes d'opéra avec le regard plastique, et il ajoute: une actrice est une statue ou un tableau qui vient poser devant vous, et l'on peut la critiquer en toute sûreté de conscience, lui reprocher sa laideur comme on reprocherait à un peintre une faute de dessin. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que les compositeurs de l'époque intériorisent ce regard que l'on porte plastique sur les tragédiennes au point de composer pour des statues? Des statues chantantes. Hein. Des statues chantantes. Je pense que Gautier est évidemment très provocateur lorsqu'il dit cela. C'est croustillant pour lui, hein, d'être un homme et de s'autoriser, de légitimer ce jugement porté sur le corps des actrices, puisque là, il parle des actrices et des chanteuses et des danseuses, bien sûr. Mais c'est aussi parce que la presse en fait ses choux gras. Donc il y a énormément d'écueils. Une actrice ou une chanteuse paraît sur la scène, on va avoir sans doute encore plus de réflexions sur son physique que sur sa voix ou sur son jeu. En même temps, dans le jeu, on a l'impression que c'est aussi un critère, bien sûr, la plastique de l'actrice. Donc il n'a pas complètement tort dans la façon dont il le fait. Mais en revanche, ce qui est problématique, c'est cette question de statue, puisque une statue, en principe, ne chante pas, ne bouge pas. Donc lui, il se place du point de vue de l'évaluation. Mais la chanteuse n'est pas immobile, figée devant lui pour être évaluée ou sous-pesée, etc. Elle ne s'offre pas à lui de cette manière-là. Elle fait quelque chose d'autre sur scène. Donc c'est effectivement un peu de mauvaise foi que d'écarter d'un revers de main tout le reste de ce qui va se passer et de n'apparaître que comme un objet de pure consommation pour l'usage des fantasmes de ce public. Si le le compositeur intériorise ou non cette approche de l'acteur, de l'actrice, bon, bah, sans doute, effectivement, puisque à l'époque, il compose pour des chanteurs précis. Et il a intériorisé les questions vocales et il est difficile de ne pas imaginer aussi qu'il ait pensé au corps de ces chanteurs. En même temps, c'est tout un enjeu ensuite pour d'autres compositeurs comme Verdi, par exemple, de devoir soit composer pour tel chanteur ou soit après coup, une fois la partition composée, comment trouver le chanteur ou la chanteuse qui correspond le mieux à ce moule, effectivement. Au-delà des témoignages... Voilà, la laideur, en l'occurrence, il s'agit de Lady Macbeth, puisque c'était ce qui l'intéressait le plus, c'est la laideur de la voix, une beauté qui ne soit pas proprement académique, donc c'est une question, effectivement. Au-delà des témoignages de spectateurs et des écrits de Théophile Gautier, vous citez aussi les manuels d'acteurs du 19e siècle qui sont de plus en plus nombreux, qui vont produire une espèce de canon normatif de ce que doit être un chanteur-acteur. Oui, alors ces manuels de chant s'intéressent surtout au chant. Donc ils ne parlent pas toujours, ou plutôt de rarement, gestuelle. De gestuelle. Ce qu'il faut plutôt regarder, ce sont des manuels de jeu, et la chose est intéressante en soi, des manuels de jeu de l'acteur qui, pour certains, contiennent un chapitre, généralement final, qui est destiné au chanteur et qui dit « Tout ce qui a été vu précédemment s'applique également au chanteur. » Et voici maintenant... quelques caractéristiques ou quelques impératifs dont le chanteur doit tenir compte pour sa part. En revanche, si on veut continuer aussi cette réflexion autour de la statue, ce qui préoccupe énormément les auteurs des manuels de chant, qui sont aussi pour certains des chanteurs, comme Joséphine Mainvielle-Fodor, par exemple, a écrit le sien, Luigi Lablache a écrit le sien, Cinti D'Amoro aussi, etc. Ce qui les intéresse beaucoup, c'est la question de la maîtrise de l'expression du visage en plein effort. Et cette maîtrise s'articule surtout autour de la bouche. Comment ouvrir la bouche lorsqu'on chante? Je pense que beaucoup de chanteurs aujourd'hui sont préoccupés, bien sûr, par cette question. Mais à l'époque, on est peut-être plutôt proche du Michael Jackson des années 60, si vous voulez. C'est-à-dire un sourire léger, hein, même lorsqu'on chante des choses tristes, qui ne doit pas montrer la bouche grande ouverte. Alors, pourquoi je dis que ça nous permet de poursuivre la réflexion avec nos statuts? Bien, parce que c'est une question qui a énormément préoccupé les théoriciens des arts. Et si on se reporte au livre que Lessing a écrit autour du Laocoon, la grande question qu'il oppose à Winckelmann autour de la question de l'ouverture de la bouche de la statue du Laocoon, pourquoi est-ce que Laocoon, souffrant si fortement sous les serpents qui l'entortillent, qui le mettent à mort, n'ouvre pas complètement la bouche? Alors que si l'on regarde évidemment ce qu'il est en train de vivre, il devrait être complètement déformé par la douleur. Winckelmann dit « Eh bien, c'est parce que l'héroïsme grec veut que le héros ne peut se laisser aller à une telle souffrance qu'il déformerait le visage, donc il doit être dans une maîtrise totale d'expressivité. » Et Lessing dit « Mais pas du tout. Si vous regardez Homère, si vous lisez l'Odyssée, vous allez voir que Ulysse passe son temps à se rouler dans ses larmes, à se rouler dans ses sanglots, ouvrir la bouche n'est pas contradictoire avec l'héroïsme grec tragique, au contraire. Hein. Donc ce qui fait qu'il n'ouvre pas complètement la bouche, eh bien, c'est parce que c'est une statue. Il ne peut pas, en tant que statue, laisser montrer une gueule béante, ce serait contradictoire. Effectivement, tous les manuels de chant sont obsédés par cette question de la bouche béante. Joséphine Mainvielle-Fodor dit qu'on ne peut pas ouvrir la bouche comme quand on va chez le dentiste. Ensuite, il y a toute une galerie d'animaux qui permet de mieux expliciter cette image. Hein, la poule, le cul de poule, etc. Donc c'est à peu près souvent ce qu'on trouve dans les manuels de chant qui est à mettre en relation avec le geste et aussi au-delà du visage, toute la question de la crispation du corps qui se tend sous l'influence du geste, et en même temps cette tension peut être utilisée. Il ne s'agit pas à l'époque d'être dans une espèce de lâcher prise totale ou de laisser le corps entièrement respirer dans le chant, et c'est plutôt l'idée d'utiliser cette tension, comme dans l'actio rhétorique d'ailleurs, comme précédant le geste, une idée de cette impulsion, comme si on allait sentir le geste avant qu'il vienne. C'est quelque chose que des témoins plus proches de nous ont observé chez Maria Callas, cette idée qu'on la verrait, on prend un exemple parmi tant d'autres, dans le Vici d'Arte par exemple, dans la mise en scène de Zeffirelli, où on la voit d'abord tendue sur sa chaise, avant même de chanter, le visage lui aussi tendu, et ensuite le geste arrive. Donc comme si la tension précédait le geste. Et ensuite, d'ailleurs, dans l'air, elle peut s'affaler littéralement sur sa chaise, sous l'influence de l'horreur qui lui arrive. Et on retrouve aussi cette question de tension, relâchement, etc., jusqu'à aujourd'hui. La Vici d'Arte de Tosca de Puccini par Maria Callas dans une version du Covent Garden de 1964. Céline Frigao-Manning, on évoquait ce qu'il pourrait y avoir de normatif dans ce qu'on impose aux chanteuses des années 1820, 1830, même 1840 en termes de gestuelle lorsqu'elles sont sur scène, qu'elles chantent les grands airs d'opéra. On imagine aussi qu'il y en a certaines qui sans doute prennent des libertés tout à fait personnelles. Oui. Oui, je pense que c'est très intéressant cette idée de normes et de dérèglement du coup des normes, puisque cet effet de dérèglement des sens aussi est très présent, notamment autour de Maria Malibran. Et si l'on reprend cette page du journal de Delacroix où il raconte qu'il a été dans un salon où il a rencontré Manuel Garcia fils, donc le frère de Maria Malibran, un certain nombre d'années après la mort tragique de Maria Malibran, il est intéressant de voir que Delacroix, lui, dur comme fer, reste attaché à Giuditta Pasta, qui a l'art de jouer comme un art de peindre, alors que Manuel Garcia, fils, défend le jeu de sa sœur Malibran, qui était souvent attaquée par une certaine frange de la critique, ou plutôt érudite, qui lui reproche beaucoup ce dérèglement. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir comment une légende fait qu'on éclipse un petit peu les débats extrêmement houleux qui ont pu y avoir autour de sa personne. On a l'impression qu'il y avait une unanimité très grande autour d'elle, et notamment en tant qu'actrice, alors que son jeu en tant qu'actrice était faisait l'objet de beaucoup de critiques. Alors que faisait-elle sur scène? On parlait de l'Othello tout à l'heure, par exemple. Eh bien, dans l'Othello de Rossini, Maria Malibran aurait dit à ses partenaires de jeu dans la scène finale « Attrape-moi si tu peux, car je ne réponds plus de rien, je ne sais plus ce que je fais dans cette situation. » Une anecdote célèbre veut que la première fois qu'elle a joué le rôle à New York avec son père dans le rôle de l'Othello, je vous laisse à vos interprétations psychanalytiques et au poignard fatal que Garcia sort pour assassiner celle qui est sa fille, il aurait acheté un poignard véritable au marché le matin même et il lui aurait dit « si tu ne joues pas correctement dans la scène finale, je te tue pour de bon ». Et donc arrive la scène finale et Malibran, voyant le regard de Garcia, regard qui la bouleverse d'un seul coup, au lieu de continuer la scène, aurait crié en espagnol « Papa, non mi matar !» et elle s'enfuit. Et donc le public est complètement sous le charme, est complètement fasciné par cette chanteuse qui s'enfuit, qui sort de scène. Et c'est quelque chose qu'elle va développer. Alors, est-ce que c'était vrai ou pas, ou prévu ou pas? Bon, elle était très jeune, elle avait 16 ans, pourquoi pas. Mais quand elle revient à Paris et qu'elle va interpréter ce rôle, elle va vraiment développer ce type d'action, jouer sur l'imprévisible et sans doute aussi pour provoquer des choses nouvelles chez ses partenaires de jeu. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que quand on parle de gestes, on parle beaucoup du geste de tel ou tel chanteur, de ce qu'il a fait à tel ou tel moment, et on s'intéresse un petit peu moins à ce qui pourtant aujourd'hui en étude théâtrale évidemment crucial, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre les acteurs, comment est-ce qu'ils interagissent. Et c'est vrai que le jeu à cette époque-là, on parle beaucoup de grands chanteurs, est complètement du ressort du chanteur lui-même. Il n'y a pas de metteur en scène pour assurer la direction d'acteur. Il y a des gens qui s'intéressent à cela, y compris des compositeurs parfois, des maîtres de bal, etc. De ballet, pardon, qui s'intéressent à ces questions. Mais tout cela est très ponctuel et il s'agit souvent de logistique de la scène, d'entrée, sortie, mouvement des chœurs. Mais le chanteur, lui, est responsable de ce qu'il fait et c'est ce qui fait aussi que certains sont très intéressés par la question et d'autres pas tant que cela. Donc Malibran, non seulement est un prévisible, mais elle n'est contrôlée par personne. Et donc, quand elle fait littéralement ce qu'elle veut, c'est aussi pour susciter des choses et en quelque sorte provoquer une direction d'acteur autour d'elle. Par exemple, toujours dans l'Othello, quand Desdemona s'interroge sur le sort de son amant juste après le duo entre Rodrigo et Othello, elle est très préoccupée, etc. Et Othello, dans l'interprétation de Giuditta Pasta, Giuditta Pasta a se retourné vers le chœur situé au fond de la scène pour adresser au chœur ses préoccupations. Déjà, c'était en quelque sorte nouveau, hein, puisqu'il n'y avait plus de jeu frontal, mais il y avait ce geste en arrière. Et ce que faisait Malibran certains soirs, car elle est imprévisible, c'était un soir, par exemple, de se précipiter à l'arrière de la scène et d'empoigner un pauvre choriste pour lui adresser littéralement à la face ses préoccupations. Et donc lui, complètement bouleversé par le fait de se retrouver tout à coup sous le regard du public, ne sait plus quoi dire, ne sait plus quoi faire, et ça marche bien finalement avec la situation. Donc des actions comme ça qui sont intéressantes quand on pense que Malibran est l'une des premières à s'être fait payer à la soirée et non plus à la saison. Ce qui fait que la prestation d'un soir devient en quelque sorte une performance. Et donc cet effet aussi d'imprévisibilité et de surenchère, elle est aussi due à cela, puisque le public ne vient plus pour voir une des soirées de la saison, il vient pour voir ce soir-là. Donc elle aussi, elle est sans doute prise au piège de cette propre surenchère, de ses propres effets. Elle doit trouver des choses de plus en plus nouvelles, jusqu'à couper, par exemple, complètement la scène finale de l'Othello. Vous savez que ça ne s'arrête pas avec la mort de Desdémone. Il y a encore à la fin Othello qui doit se suicider, puis le père, etc., qui arrive avec les autres personnages. Et elle va même bloquer la porte et donc tomber littéralement assassinée devant la porte, ce qui fait que les personnages, les autres acteurs ne peuvent plus entrer. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait tomber le rideau et puis tant pis pour la scène finale. Après tout, si la chanteuse principale n'est plus là, est-ce que cette scène-là vaut d'être vue ? Donc il y a un certain nombre d'effets comme cela, ou dans Clary, par exemple, de Halévy, qui compose cet opéra italien de retour de Rome, de la Villa Médicis, et qui est donc joué avec Malibran dans le rôle principal, où elle va se jeter, se traîner littéralement au sol, donc développer tout un jeu qui requiert aussi de mobiliser le bas du corps, ce qui est tout à fait nouveau dans un jeu tragique, puisque le jeu tragique est plutôt le haut du corps, et puis le jeu comique, le bas, avec donc toute cette norme, hein, cet ensemble de normes autour de la gestuelle. Et elle va sauter, courir, se traîner par terre, et par là même aussi faire écho à ce qu'elle peut voir ces mêmes soirs-là chez des acteurs anglais. C'est aussi des libertés qu'elle prend dans la ligne vocale, puisqu'elle ajoute un nombre d'ornements sans commune mesure. Oui, c'est vrai qu'elle ajoute énormément d'ornements, ça lui est reproché, plutôt dans une première période. Ensuite, elle va, et c'est vrai qu'on connaît aussi ses partitions Malibran, qui ont aussi fait l'objet de travaux, notamment de Philippe Gossette, et évidemment, ces questions musicologiques. Et puis, par la suite, elle va quand même maîtriser cet aspect, puisqu'elle sent très bien que l'heure n'est plus à la virtuosité vocale complète, mais vraiment à ces questions d'articulation entre le chant et le jeu. Alors voici justement un autre hommage. On écoutait Cecilia Bartoli tout à l'heure à Maria Malibran, qui est celui de Marilyn Horn, qui chante justement avec les ornements de Malibran, Una voce poco fa. Sur la Radio Parfaite, dans l'émission Les Experts, David Christoffel reçoit aujourd'hui Céline Frégao-Manning autour de son livre Chanteurs en scène, paru aux éditions Honoré Champion. Ooh. Marilyn Horn rendant hommage à Maria Malibran. Il y a une espèce de folie de l'exécution qui dépasse largement la simple folie de composition. Oui, très certainement. Une folie du public aussi, sans doute, qu'on peut imaginer en délire. Devant ce type de spectacle. Ouais. Dans Chanteur en scène, Céline Frigao-Manning, vous mobilisez aussi une documentation iconographique pour pouvoir documenter cette question du geste des chanteurs. Qu'est-ce que ça nous apprend, toutes les images qui nous restent de cette époque? Oui, c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé de témoignages de spectateurs, mais ça fait partie, en fait, finalement, de la démarche. C'est que quand on s'intéresse au jeu de l'acteur et du chanteur de ces époques où, pour lesquelles on n'a pas d'enregistrement, de vidéo, etc., on s'intéresse généralement souvent aux images, et peut-être même un peu trop. Si on pense aux travaux qui ont été réalisés pour les premières entreprises de restitution baroque, on convoquait des manuels d'acteurs en montrant uniquement quasiment de l'iconographie pour instruire les chanteurs et les acteurs d'aujourd'hui sur ce qu'ils devaient faire en scène. Et lorsqu'on avait l'iconographie avec une gravure, par exemple, et un verre sous cette gravure, on disait, bon ben voilà, pour tel verre, tu dois faire tel geste, et pour tel autre verre, tu vas faire tel geste. Donc pour telle situation, on en venait même à associer telle passion précise à tel geste. Et je pense qu'en cela, on s'est beaucoup écarté du vrai, entre guillemets, ou du moins du vrai qu'un travail historique peut reconstituer, peut proposer. Le problème, si on n'utilise que de l'iconographie, c'est avant tout celui de la fixité. Peut-être, effectivement, on en vient peut-être à parler trop de statues, ou bien on se fait une idée du geste qui est un geste figé. Geste figé, oui, il y en a, on en parlait tout à l'heure, geste qui fait tableau, mais geste qui arrive à la fin d'une séquence gestuelle. Et même s'il y a une économie du geste, ça ne veut pas dire on ne joue pas tout le temps, puisqu'il ne s'agit pas de psychologie, il ne s'agit pas de réalisme, donc on n'a pas besoin d'avoir une gestuelle permanente du début à la fin de l'opéra. En même temps, le problème de l'image, c'est qu'elle va tendre à fixer tel ou tel geste et donc à nous éloigner aussi par là de la vivacité ou de la construction des séquences. Donc c'est vrai que quand je me suis intéressée à des images, j'ai essayé aussi de rechercher autre chose dans ces images que le geste lui-même, le geste pur en quelque sorte. D'y rechercher aussi le regard de l'époque, puisque si on compare des situations comme je le fais en ouverture de ce livre, lorsque je compare deux gravures d'époques différentes qui nous montrent des chanteuses dans le rôle de Roméo et Juliette dans la scène, la célèbre scène des tombeaux. Et donc finalement, ce que j'essaie de montrer aussi dans cette introduction à ces questions, c'est que ces images nous en disent finalement moins sur le jeu des chanteuses elles-mêmes que sur le regard qu'on portait sur elles. Et ce qui est intéressant ici, c'est pas simplement l'expressivité, le fait que d'une part on a une position beaucoup plus ferme, qui tient bien sur ses deux pieds, avec des regards et des visages qui composent quasiment à eux seuls tout un tableau dans le tableau de l'expressivité émotionnelle, et de l'autre côté en revanche on a un mouvement très fort avec une chevelure jetée en arrière qui souligne ses bras jetés au cou de Roméo qui est sur le point de défaillir. Donc on a beaucoup cet effet de sur le point 2 dans la deuxième image, alors que le premier est plutôt dans un arrêt sur image, mais en même temps on a toute la construction de l'image autour. C'est-à-dire que d'une part on a un tableau bien refermé de part et d'autre, on a une construction très symbolique avec des objets autour, devant, portés à terre, mais surtout une scénographie du moment. Et de l'autre côté, on a une économie aussi de ces symboles qui fait qu'on va avoir un bréviaire jeté à terre, une croix suspendue en l'air, enfin, et un tableau lui-même qui joue sur les effets de sfumato et qui se fond dans l'espace, qui est très différent. Donc voilà, ce que j'ai essayé de faire en utilisant l'iconographie, c'est vraiment d'essayer de reconstituer ce qui pouvait être un ensemble, un réseau de représentations symboliques, de représentations épistémologique, un ensemble de choses qui faisaient sens à l'époque pour le spectateur dans son approche du jeu de ces chanteurs. Donc un travail aussi sur les portraits des chanteurs, bien sûr, comment est-ce que le rôle à la fois artistique mais aussi social du chanteur se normalise. D'une part, il incarne l'exception, l'exceptionnalité de ses prouesses vocales, ses prouesses d'acteur, et en même temps, lorsqu'on regarde ces portraits de cette première moitié du 19e siècle, ils se sont vraiment de bons bourgeois. C'est très difficile de repérer le chanteur ou la chanteuse comme on pouvait le faire au 18e siècle avec ces portraits qui sont généralement des portraits de courtisanes, hein, du moins pour les chanteuses. Parce que ça se modernise aussi, même être exceptionnel, il faut l'être de manière moderne. Et vous le relevez aussi dans le vocabulaire de description que les spectateurs peuvent avoir, ou bien les premiers critiques. Par exemple, vous pouvez montrer que les interactions entre des personnages peuvent être parfois même des phénomènes quasi magnétiques, décrits dans des termes assez techniques, voire électriques. Oui, je m'intéresse beaucoup à la façon dont pas seulement à ce qu'ils nous disent dans le contenu même, mais à la façon dont ce jeu sur scène est décrit et les effets de ce qu'il produit aussi par le chant et par le geste. Mais ce qui m'a intéressée aussi dans ces études, ce n'est pas simplement d'essayer de voir comment une critique musicale spécialisée, de plus en plus spécialisée, emprunte des termes à d'autres domaines, mais plutôt comment comment ces autres domaines-là, hein, si vous parlez de magnétisme, de médecine, de science, de technologie, tous ces domaines sont eux aussi en pleine recherche de leurs propres termes, de leur propre scientificité. Donc ce n'est pas un simple emprunt que la critique fait à d'autres domaines qui seraient eux déjà bien constitués, avec un vocabulaire bien normé, bien construit. Ce sont plutôt des circulations qui elles aussi nous informent sur la façon dont ces regards étaient portés sur les acteurs, plus généralement sur nos sociétés. Donc ce qui frappe lorsqu'on voit tout ce vocabulaire de l'électricité qui n'est pas propre simplement aux chanteurs et encore moins simplement aux chanteurs du théâtre italien. Bien sûr, c'est une image qu'on retrouve énormément à l'époque, mais elle est intéressante pour les chanteurs du théâtre italien puisque c'est une image comme l'électricité qui unit à la fois des questions vocales, le courant que provoque la voix, l'énergie de la voix, en même temps le jeu de ce qui se passe, mais au-delà même d'une espèce de pouvoir incommensurable, de force mystique, de force énergétique qui ne se voit pas, mais qui néanmoins est là et a des effets tangibles sur les spectateurs. Donc l'électricité, de ce point de vue-là, a vraiment révolutionné une façon de penser et d'approcher toutes sortes de questions à l'époque, mais y compris celle du jeu. Précisément parce qu'on ne voit pas. Et la musique elle-même, qui était reléguée au siècle précédent, plus bas dans la hiérarchie des arts, va prendre toute sa place au XIXe siècle, précisément parce que il est difficile de la décrire, parce qu'on ne la voit pas, parce que pour tout cet aspect intangible. Donc musique, électricité, de ce point de vue-là, ont bien des points de convergence. Oh, Ah, lève-toi, soleil, extrait du Roméo et Juliette de Charles Gounod par Juan Diego Flores. Céline Frigaumani, pour terminer notre rencontre autour de votre livre Chanteur en scène, qui est paru chez Honoré Champion, pourrait peut-être dire à quel point ces questions ont été bouleversées, évidemment, depuis l'arrivée de la mise en scène, qui commence, pour le coup, à la fin de la période que vous étudiez, au milieu du 19e siècle. Oui, alors c'est une grande question en études théâtrales pour les chercheurs d'essayer toujours d'identifier un moment encore plus ancien où la figure du metteur en scène, du proto-metteur en scène, de l'avant-metteur en scène serait apparue. C'est vrai qu'il y a quelques années, on parlait pour la mise en scène d'opéra plutôt du 20e siècle, assez tardivement. Ensuite, on est remonté évidemment plus tôt, aux années 1880. Maintenant, on commence à considérer toutes les textes que publiait les petits fascicules que publiait le régisseur Palianti de l'Opéra de Paris comme un travail de mise en scène. Et ça, c'est quelle année ? C'est dans les années 1840. D'accord. Mais bon, là, on parle de 1830, 1840, on parle quand même beaucoup de mise en place, de logistique, etc. Donc tout. Plutôt que la question de quand est-ce que la mise en scène apparaît, c'est plutôt qu'est-ce qu'on entend par mise en scène. Ou plutôt, pour votre questionnement à vous, quand est-ce que la mise en scène prend en charge la gestuelle des interprètes ? Aussi, oui, oui, tout à fait. Et vous avez une réponse ? Pas vraiment, parce que finalement, ce n'est pas tant cela qui m'intéresse que d'autres questions. Et je pense que pour cette période, elles sont vraiment très liées aux situations personnelles, aux situations institutionnelles, à ce qui se passe. Lorsqu'on voit que, par exemple, une Judith Apast pouvait avoir par contrat le droit de choisir d'autres acteurs ou de leur donner des indications sur ce qu'ils devaient faire sur scène, on pourrait dire, bon, bah, alors elle fait un travail de direction d'acteur, donc est-ce qu'elle n'a pas... un rôle. En fait, la question est aussi qu'est-ce qu'on entend par mise en scène ? Est-ce qu'on parle du metteur en scène ou est-ce qu'on parle d'un travail qui peut être pris en charge par d'autres fonctions, à l'intérieur d'autres fonctions ? Donc ça, c'est une question effectivement importante qui reste ouverte, je pense, tout à fait. D'autant que toutes ces questions aussi ont beaucoup plus occupé jusqu'à présent les spécialistes d'études théâtrales et donc du théâtre que de l'opéra lui-même. Mais est-ce qu'on peut dire que Malibran n'est plus possible aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une normalisation assez poussée de la gestuelle des chanteurs d'opéra. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi lié aux conditions de production elles-mêmes. Il paraîtrait très difficile qu'on puisse avoir ce genre de cas, à moins qu'on ne se trouve dans une situation où la compagnie serait composée, enfin la compagnie justement, ce ne serait pas un cast de tel ou tel chanteur pris séparément et composé ensuite, mais ce serait une compagnie qui travaillerait ensemble, non pas sur 15 jours ou 3 semaines, mais peut-être sur plusieurs mois, et qui accepterait aussi d'introduire cette dimension de performance, où on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, où il va y avoir une espèce d'arrachement ou de brèche ouverte dans le jeu. Donc des choses qu'on voit très très souvent au théâtre finalement, où la dimension collective l'a emporté sur les scènes actuelles, même s'il y a un retour très fort de l'auteur, on pensait mort, et même si les metteurs en scène évidemment restent très très présents et très importants, leur autorité est contestée dans le monde théâtral, alors que dans le monde opératique, on continue bien sûr d'avoir des productions qui sont rythmées par les noms des chanteurs, évidemment, mais des chefs d'orchestre, des metteurs en scène. Donc c'est très important effectivement de prendre en charge cette dimension-là, même si ensuite on a d'autres cas, où un Patrice Chéreau qui pouvait, pour son Così fan tutte et au Festival Lyrique d'Aix, travailler pendant plusieurs mois, mais pour cela il lui fallait des chanteurs qui à l'époque étaient en début de carrière, hein, comme Stéphane Dougou. Donc c'est plus vraiment peut-être, est-ce qu'il ferait aussi encore aujourd'hui, c'est une question ouverte. Mais voilà, c'est vrai que c'est une question très intéressante, parce que lorsque Chéreau lui-même déclare dans une interview les chanteurs c'est comme des acteurs amateurs, finalement ce n'est pas un jugement négatif qu'il porte sur les chanteurs, c'est parce que pour lui c'est quelque chose de positif et de fort, parce qu'il va pouvoir en faire quelque chose, et il sait qu'avec leur, il le dit, il sait qu'avec leur discipline, avec la façon dont ils ont l'habitude de travailler, ils vont sans doute tout donner, comme peuvent le faire des amateurs lorsqu'ils se lancent dans le jeu, et en même temps pour Chéreau c'est aussi une façon de montrer qu'il est là pour cela, Donc, il légitime sa propre position de metteur en scène. C'est lui qui va leur permettre de se transformer ou de se transcender en tant qu'acteur grâce à sa présence de metteur en scène. Merci beaucoup, Céline Frigaroumanine, d'être venue à la radio parfaite pour évoquer Chanteur en scène, paru en 2014 chez Honoré Champion. Thank you.